Bonjour et bienvenue dans l'émission Les Oreilles du Monde, présentée par l'association Les Mondes de l'Utopie. Vous êtes en direct de la radio Gémozo. On est le jeudi 10 octobre, il pleut, mais on est quand même content d'être là. Bonjour à tous, salut Flo, salut Nanou, coucou. Bonjour. Vous allez bien? Oui, impeccable. Mieux que le temps. Sous ce déluge vosgien où la pluie ne s'arrête plus. Alors, moi je vais vous faire une petite présentation de l'émission, de ce qui va se passer aujourd'hui donc, à la radio Gémozo. Donc, on va faire un petit retour sur la fête des simples, sur ce qui s'est passé pour nous avec l'association pendant ces vacances, entre guillemets. On va vous parler aussi d'une amie, la glaneuse de saveurs. Ensuite, on va parler de manière plus conséquente de Temps de Pause, le prochain événement de l'association, donc qui arrive le 19 octobre. Et puis ensuite, on finira par Réveillons-nous. Alors, on va commencer par un retour sur la fête des simples, Flo. Oui, c'est ça, on va commencer par la fête des simples, donc on va pas parler que de la fête des simples. Tout d'abord, bonjour à tous, on est content de vous retrouver après 3 mois d'absence. C'était la petite pause d'été, ça fait du bien et on s'est bien reposé. On a bien profité, bien voyagé pour vous ramener des nouvelles sonorités d'un peu partout. Et c'était bien chouette cet été, bien chaud. Ah, ça c'était chaud. Les filles, ça, vous avez passé un bon été ? Ah bah oui, excellent. Ah oui, on s'est bien ressourcé. Donc on ne s'était pas vu ni eu en direct de Radio Gémozo pour vous parler de la fête de la musique, donc pour faire un petit bilan. Donc la fête de la musique, ça s'est hyper bien passé, on est content, on a eu un peu peur avec le temps et finalement il n'y a fait pas si moche que ça. Donc un grand merci à toutes les personnes présentes, les artistes, les bénévoles, toujours la mairie qui nous soutient. Enfin, c'était vraiment génial. Donc merci Maggie Boll, Camille Sella, Nordistan, Turfu et le petit spectacle d'art de rue qu'on avait programmé. Ça a hyper marché. Donc voilà pour la fête de la musique. On était, l'association, elle était présente aussi le week-end du 28 et 29 septembre de cette année, là, il n'y a pas longtemps, il y a 2 week-ends, à la fête des simples, la fête du syndicat des simples à Cornimont. Vous avez dû en entendre parler sur les ondes, un peu partout, à la télé, il y a eu pas mal de communication autour de l'événement. Donc nous, on était impliqués là-bas pour tenir un stand de restauration pour nourrir le public tout au long du week-end, 28 et 29. Et du coup, on a régalé quand même pas mal de monde. On était tous les bénévoles de l'association impliqués dans l'événement de faire des fonds pour l'assaut en vendant à manger tout au long du week-end avec le soutien matériel et humain du food truck de la glaneuse des saveurs dont Camille vous parlera tout à l'heure. Ce camion rouge que vous manquerez pas de voir dans les centres et des villages des Hautes-Vosges ces prochaines semaines. On a régalé environ 600 personnes avec des sandwichs particuliers, toujours un peu... cette note particulière qu'on trouve au monde de l'utopie. Cette note utopiste. C'est ça, bien vu Nanou. Donc des sandwichs avec des pains de la boulangerie Perrin de Vanier, merci à eux. Des steaks hachés du Val d'Ajol, comment ça s'appelle? C'est du Gaec du Petit Val, on les remercie beaucoup. Voilà, alors des steaks hachés qu'on a améliorés nous-mêmes avec, on ne vous dira pas les recettes. Des épices, c'est les ingrédients magiques en plus. Hein. Donc il faut venir au monde de l'utopie pour découvrir nos petites recettes. Donc on faisait aussi des sandwichs végétariens avec des falafels maison, accompagnés de crudités, tout était en circuit court. On peut remercier le maraîcher alsacien Reboun, chez qui on a pris tous les légumes locaux, pour les patates douces, le gingembre, les pois chiches et les lentilles. On peut remercier l'atelier bio de Saint-Amé, qui nous ont fourni en quantité. D'accord. Bon, et bien, le merci. Plus de notre restauration, c'était nos frites de légumes maison, betteraves, navets, patates douces et pommes de terre. À essayer chez vous, c'est délicieux. Tout le monde a adoré. Le dimanche midi, on s'est fait dévaliser avant de se faire dévaliser de tous les sandwichs. Donc voilà, on remercie tout le monde qui ont contribué à cette belle fête, le syndicat des simples qui nous invite à découvrir, ainsi que surtout un grand merci à tous nos bénévoles pour leur implication, pour les préparations le vendredi et l'investissement tout au long du week-end. Oui. Donc voilà, merci à tous. Ça a été énormément de travail. Ce fut un laborieux travail. Hein. Oui. Nous n'avons pas arrêté du vendredi au dimanche et ceux qui ont terminé ont fini sous la pluie à tout démonter. Donc c'est une belle aventure. On peut se féliciter, ce fut assez intense, mais ce fut très bénéfique pour l'association. Exactement. Je me permets de remercier aussi le Gaïc Duru pour ses œufs qu'il nous fournit à chaque fois au monde de l'utopie. Pour notre super mayonnaise qui était dans les sandwichs. Mm. Puis un grand merci à toutes les personnes qui sont venues consommer à notre stand. Et qui nous ont fait des bons retours. Exactement. Du coup, on est bon pour la fête des simples. On est bon pour la fête des simples, on peut passer à autre chose. Alors moi, je vais vous parler du fameux petit camion rouge dont Flo parlait tout à l'heure. Donc c'est notre ami et cher membre de l'association, donc Charlotte, qui donc partira avec son camion qui s'appelle donc la glaneuse de saveur sur les routes vosgiennes pour vous régaler. Donc pour l'instant, Charlotte, là, elle a mis en place une cagnotte participative sur KissKissBankBank. Donc ça, voilà, si vous tapez sur le site La Glaneuse de Saveur, vous pouvez participer. Donc évidemment, il y a des contreparties si vous voulez avoir un repas élaboré par Charlotte. Et donc, vous pourrez la retrouver donc, déjà ce week-end, le 12 et 13 octobre, au Festival Montamour à Travexin, à La Chapelle. Donc elle pourra vous régaler. Alors je ne connais pas exactement le menu, mais en tout cas c'est toujours très bon. Nanou, tu le connais peut-être ? Elle m'en a un petit peu parlé, ça va être élaboré. D'accord. Et assez gustatif, on va dire. Ok, bon, c'est toujours très bon, chaque cuisine très bien, faut se le dire. Et donc elle sera à ce festival-là tout le week-end. Et ensuite, lundi, elle sera le soir à Vanier devant chez la fleuriste. Le mardi, elle sera à Saulsur devant le cimetière. Le jeudi, ça sera au syndicat, au parking de covoiturage. Et les vendredis, ça sera à Rochesson, bien évidemment. Rochesson, devant la boulangerie. Bon, pas ce vendredi-là, puisque il y aura temps de pause. Enfin, non, là, on est jeudi. Bah, pas demain, ni le vendredi d'après. Mais donc, voilà, elle sera à partir des vendredis fin du mois à Rochesson pour nous régaler. Donc, de toute façon, vous la verrez de loin, le gros camion rouge. Et donc voilà, elle va proposer des plats cuisinés, elle va proposer des soupes, elle va proposer aussi des sandwichs, enfin voilà. Il y en aura vraiment pour tous les goûts, si vous avez envie de manger rapidement, si vous avez envie de manger un bon repas. Et le tout dans une démarche zéro déchet, donc voilà, elle aura des jolis petits plats consignés. Et puis voilà quoi. On est bon pour la glaneuse des saveurs, retrouvez-la sur KissKissBankBank. Sur les Hauts-de-Vosges. Et sur son KissKissBankBank. Voilà, sinon sur le Facebook aussi, là elle est en train de monter une page internet, je ne sais plus. Oui, bah, vous pouvez aussi la retrouver sur Facebook, elle a une page Facebook, la glaneuse des saveurs. Voilà. Mais très facile à repérer, le petit camion rouge sur les bords de route. Voilà. Alors ensuite on va parler ensemble de temps de pause, donc ça c'est le prochain événement de l'association qui aura lieu, bah, comme d'hab, à Rochesson, à la salle communale. Le 19 octobre, et donc ça, comme l'année dernière, je ne sais pas s'il y en a qui étaient venus ou pas, mais du moins, c'est le même format, donc il y a des ateliers la journée, tout ça, mais ça, c'est Nanou qui va vous en parler. Non ? Tu ne veux pas parler des ateliers, Nanou ? Ah si, bien sûr. Ah, d'accord. Alors, cette journée d'atelier démarra à 9h, avec l'atelier d'automassage du quotidien, conduit par Dudu, qui est ostéopathe. Donc Dudu n'est pas très local parce qu'il vient de Bourgogne, mais en tout cas, il est sympa et c'est un bon ostéo. Si Dudu est sympa, tout va bien se passer. Et franchement, là, il nous a préparé un petit programme aux petits oignons que je conseille à tout le monde en tant que masseuse. Je pense que ça va être très constructif pour toute personne qui a envie de prendre soin de son corps. Donc Dudu... Non, je pense qu'il faut que je l'appelle, en fait. Non, t'appelles pas Dudu. Ah bon ? Non, il n'y a pas d'interview avec Dudu, c'est juste une présentation. Bah pourquoi j'ai son numéro de téléphone avec marqué un petit e-interview, non ? Bon, d'accord, ok. J'ai rien dit, c'est tout bon. Dudy commencera son atelier en nous expliquant les intérêts des automassages et des étirements au quotidien. Et ensuite, il nous présentera une série d'exercices pour chaque partie du corps. Donc pour la tête, la nuque, les bras, le dos, l'abdomen, le bassin et les jambes. Et tous ces exercices, donc il y en aura environ 2-3 par partie, auront une action complète sur les tissus mous, donc fascia, muscles, tendons et sur les articulations. Donc ce sont des exercices très complets. Et suivant la pression exercée, ces manœuvres auront une action aussi sur les muscles superficiels et profonds. Donc ce sera vraiment des étirements et des automassages que vous pourrez reproduire chez vous quotidiennement et qui aideront à un réveil du corps en douceur et à un maintien de la forme du corps. Voilà pour le premier atelier avec Dudu. Ensuite, Flo, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, j'avais rien à rajouter, je t'écoute Nanou. Donc cet atelier sera de 9h à 10h30 et puis à 10h40, nous entamerons le prochain atelier de percussion corporelle, donc avec Justine qui normalement est en direct en interview avec moi. Oui, elle y est presque, j'appuie sur les petits boutons qu'il faut, donc le téléphone c'est... Ah voilà, Justine est là, ça y est, j'ai trouvé le bon. Allô, allô, Justine ? Oui, salut. Coucou, comment ça va ce matin ? Ben, ça va bien. T'es prête pour mes petites questions ? Ouais, je suis prête, ouais. Alors, première question, Justine. Donc toi, tu vas conduire l'atelier d'initiation à la percussion corporelle. Donc ma première question, pour les personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que la percussion corporelle ? Est-ce que tu pourrais nous en faire une petite définition ? Oui, tout à fait. Alors, on peut déjà définir la percussion. Les percussions, c'est un mot qui permet de définir les instruments sonores, donc les instruments sur lesquels on peut taper ou avec lesquels on peut faire du bruit. Donc en fait, tout peut devenir percussion, même une boîte à de café, ce qu'on veut, quoi. Et donc corporel, ça veut dire qu'on utilise le corps comme instrument de musique. Donc concrètement, on tape les pieds sur le sol, on tape les mains sur le torse, les mains. Enfin, en fait, déjà quand on frappe dans les mains, on fait de la percussion corporelle. Donc ça va être génial, ça, cela veut dire qu'on va faire de la musique avec notre corps. Oui, c'est ça. Que l'on n'aura pas besoin d'emmener des instruments, que notre corps sera à notre service pour faire des rythmes. C'est ça. Et après, je veux pas du tout que le mot musique effraie nos auditeurs, parce qu'il n'y a pas besoin forcément d'être musicien pour pratiquer les percussions corporelles, en fait, parce que c'est quelque chose déjà qui est très... commun à tous, enfin, déjà quand on marche dans un rythme, donc en fait naturellement on est à le rythme, donc là c'est vraiment pour prendre conscience de tout ce qu'on peut faire avec ça, et puis c'est très contagieux aussi de faire du rythme avec son corps et d'entendre tout le monde jouer et explorer. Oui, oui, exactement, nous sommes déjà dans un balancement naturel en fait qui est déjà rythmé, c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est ça. Ouais, Justine, je fais une petite parenthèse. Est-ce que tu es bien proche de ton téléphone ou est-ce que tu serais dans une pièce assez sonore parce qu'on t'entend assez mal ? Pas trop quoi faire. Ah, voilà. Ouais, en ça, fait, je pense que quand tu parles près de ton téléphone, ça a l'air d'aller. Oui. Là, ça me fait des petits rouges quand... Ouais, ouais. Si tu pouvais rapprocher ta bouche de ton téléphone, ça serait super. Toute proche. Ah voilà, là c'est parfait. Okay. Bon bah super Justine, donc ça fait que tu veux nous dire que en fait on n'a pas à avoir peur de venir à l'atelier d'initiation, que c'est accessible à tous. Oui, en fait la percussion corporelle. Tout à fait. Ok. Et en fait voilà, si vous voulez un peu plus d'histoire de la percussion corporelle, c'est... Oui j'en veux, c'était ma prochaine question. Ok. Bah en fait, donc les percussions sont été créées... des milliers d'années avant Jésus-Christ, mais enfin, depuis toujours, l'homme a fait des percussions sur son corps, que ce soit pour effrayer les animaux, que ce soit pour créer des rituels, invoquer les dieux, pour faire peur, comme on voit par exemple le haka en Nouvelle-Zélande, c'est peut-être une des percussions corporelles très anciennes qui est encore utilisée et pratiquée aujourd'hui, qu'on connaît très bien. Voilà, enfin, il y en a eu un peu partout. Il y a aussi le flamenco qui vient des Roms, qui sont installés en Espagne. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Et puis c'est devenu à la mode, vachement au XXIe siècle, et enfin même depuis une centaine d'années, parce que avec le jazz, il y a eu aussi, enfin, l'arrivée des claquettes. Donc ça, c'est aussi un autre type. Il y a aussi les Africains qui ont fait une autre pratique de percussion corporelle qui s'appelle le gumboot. Oui, avec le fameux gumboot. C'est ça, donc le gumboot, c'est la définition, enfin la traduction, c'est les bottes en caoutchouc. Donc ils tapaient sur les bottes en caoutchouc dans les mines de diamants pour communiquer les uns avec les autres. Et puis ça a été connu aussi dans les années 90 avec Stomp. Peut-être vous connaissez ces grosses compagnies anglaises qui tournent à travers le monde depuis 91, et eux ils font des percussions sur objets de la rue, donc ça peut être des balais, avec des ballons aussi, des ballons de basket, avec les ballons de basket, les balais, enfin avec de tout, avec les brosses. Et ce que je me propose de faire, c'est de mettre une ou deux vidéos de Stomp après sur les mondes d'Utopie pour que les gens puissent découvrir. Parce que c'est vraiment chouette. Ouais, grave. Ouais, c'est trop bien. T'avais autre chose à dire, Justine, sur l'histoire de la percu corporelle? Pour moi, c'est assez complet. Si tu voulais rajouter quelque chose. Non, pas spécialement. Et alors, qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans la percu corporelle? Et qu'est-ce qui t'a attiré, en fait, dans cette technique? Ce qui m'a attirée, je crois, c'est déjà les rencontres que j'ai faites, parce que j'ai découvert les percussions corporelles grâce à un festival qui a été créé par Keith Terry. Keith Terry, c'est un percussionniste américain, et il a créé un gros festival qui chaque année change de pays et même de continent. Et donc c'est des rencontres internationales de pratiquants de percussions corporelles, et j'ai l'impression que tout le monde a très envie de transmettre le savoir, a très envie de développer des nouveaux sons, des nouvelles façons de bouger dans son corps, donc c'est très amusant, puis encore une fois, c'est très contagieux, je trouve. Et puis, il y a aussi le fait que... Enfin, après, ouais, t'as tout le temps des rythmes dans la tête, je sais pas, c'est très motivant, énergisant, et puis aussi, c'est facilement transportable et pas cher, quoi, puisque exactement, fait de la musique avec son corps. Et après, c'est vrai que quand tu commences à... Après, la percussion corporelle, elle te vient toute seule et tout le temps. Par exemple, tu es en cours, et tu te mets à faire des rythmes sur ton corps, hop, sur ta cuisse, sur ton torse, tu claques des doigts, ça va tout seul. C'est ça, quand tu es au volant, quand tu attends le bus, tout le temps. Et Justine, alors toi, quel est ton parcours alors dans la percussion corporelle? Tu m'en avais un petit peu parlé par mail, et j'aimerais que tu le transmettes aux auditeurs, si tu veux bien, avec qui tu as bossé, par qui tu as été formée. C'est assez intéressant, je trouve. Alors, moi, j'ai commencé les claquettes à Paris il y a 5 ans. Et j'ai découvert le travail de Lila Petronio. Donc, Lila Petronio, c'est la fille de Sarah Petronio, qui elle-même est une grande claquettiste. Et Lila, elle a travaillé avec Stomp pendant plusieurs années, justement. Et donc, elle est rentrée en France et elle a monté sa compagnie qui s'appelle le Hip-Tap Project. Donc, il y a une compagnie qui rassemble différents danseurs de différentes nationalités, différentes origines, et surtout de différentes danses. Donc, des fois, il y a des capoeiristes, il y a des danseurs de hip-hop. Enfin, c'est vraiment fantastique, son travail. Et donc, elle était aussi directrice artistique, ou co-organisante du festival dont je parlais, qui s'appelle le International Body Music Festival. Ouais. Donc, j'ai vraiment commencé à être formée là. Aussi dans une méthode américaine qui s'appelle le stepping, qui est une méthode de percussion corporelle qui a été créée par les Noirs dans les universités quand il y avait encore beaucoup de ségrégation et que les Noirs n'étaient pas invités dans les clubs sportifs en fait de leurs universités. Et après j'ai continué à prendre, j'ai fait d'autres stages avec Lila Petronio, et puis dans ce festival, j'ai rencontré plusieurs artistes, dont un en Turquie et un en Grèce que je suis allée rendre visite. Donc j'ai fait quelques ateliers et quelques impros avec eux. Et puis j'ai rencontré aussi des pratiquants en Serbie. Donc je me suis formée un peu là-bas aussi. Et puis je me forme toujours en claquette. Donc après, en claquette, on développe beaucoup les rythmes. Après, les mouvements corporels sont assez simples en percussion corporelle. Et chacun développe son style, donc je travaille aussi très régulièrement, enfin tous les jours, je crois. Ok. Moi, ayant un peu fait de percussion corporelle et de claquettes, je suis sûre que tu as plein de choses à nous apprendre avec les personnes avec qui tu as été formée. Mmh. Ouais. Et d'Ivoire, j'ai une dernière question. J'ai encore deux questions. Celle-ci, elle me trotte. Est-ce que la percussion corporelle peut s'adapter à tous les registres musicaux? Bah oui. Pertinent. Ouais, et ça c'est assez drôle parce que... Même en classique Bah oui, bien sûr, enfin, c'est un instrument percussif, donc après, en classique, souvent on privilégie beaucoup la mélodie, donc il n'y a pas forcément un travail rythmique énorme, ouais. Mais ça n'interdit pas du tout. Ouais, et puis peut-être plus le frottement, enfin bref, on en parlera à ton atelier, mais il y a peut-être certaines techniques qui s'adaptent plus au classique que d'autres. Ouais. En tout cas, voilà, enfin, la base de ça, c'est un corps en mouvement et du son. Donc, ouais. À partir de là, l'univers est très, très, très vaste. Et puis, voilà, enfin, il y a des percussions corporelles dans toutes les cultures du monde depuis des millénaires. Donc, oui, il y a encore à découvrir et à créer, toujours. Ok. D'Ivoire, ma dernière question, Justine, qu'est-ce que tu nous proposeras pour nous initier aux percussions corporelles à temps de pause? Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette heure et demie? Alors, j'ai plusieurs options, ça va dépendre un peu de qui sera là et des envies de chacun, mais... Ah bah nous, on sera là déjà, hein. Yes. Ah moi, tu peux que... Je serai ta première... Tous les trois, on sera là. Je serai ton premier public, hein. Trop bien. Ben, on va surtout... Enfin, commencer par explorer le corps et explorer le son, parce que en fait il y a, enfin, pour moi c'est ça le plus important, c'est comment on invente la musique dans la tête. Donc, enfin, on essaye parfois de faire de la musique et on se dit ah non mais moi ça marche pas, etc. Mais il faut d'abord comprendre que la musique c'est un langage, donc faut pas en avoir peur si on se sent nul au début ou quoi, enfin tout à fait normal, enfin moi aussi j'étais nulle avant de commencer, quoi. On vient comme on est, quoi. On vient comme on est, avec les outils qu'on a, et on est là pour s'amuser et se faire plaisir. Ouais, c'est ça. Et puis après, voilà, on apprend à chanter, à apprendre des rythmes, à développer ce vocabulaire, en fait. Et donc voilà, ça va être surtout de l'exploration. Et après, je pense que j'ai plusieurs chorégraphies ou polyrythmies à vous enseigner. J'aime beaucoup l'improvisation aussi. Enfin, voilà, on va voir si... Fin. Ça va être beaucoup de l'exploration, je crois que c'est le mot-clé. Eh bien, super, Justine. J'ai hâte qu'on soit le 19, personnellement, et d'y participer et qu'on s'éclate pendant cette heure et demie à faire des rythmes. Ça va être trop chouette. Alors, Justine, je me suis permise, pour un petit peu faire découvrir aux personnes qui ne connaissent pas la percussion corporelle, je me suis dit qu'on pouvait écouter le groupe brésilien Barba Touques. Yes. Eh ben allez, c'est parti pour Barba Touques. Je te fais des gros bisous, Justine, et je te souhaite une belle journée. Bonne journée, bien. Salut. On se retrouve à temps de pause. Et merci pour l'interview. À bientôt. Donc on écoute Barba Touques, Bayana. Percussion corporelle et chant. Thank you. quase chocar o meu pacote pra embolar. Se é embolada, hip hop é batucar. Tem sangue brasileiro, meu compadre, só chegar. Alors, ce deuxième atelier de découverte en percussion corporelle aura lieu de 10h40 à 12h10. Donc après, c'est la pause repas. Pour les personnes qui auront réservé les quatre ateliers, donc toute la journée, la pause repas est offerte. Donc ça sera des petits mets préparés par nos soins, des tartes hein, avec salade. C'est exact. Nous. Avec petit dessert aussi, je crois, non, si on a le temps. Oui, bah, je crois peut-être des tartes sucrées. Ouais, voilà, des tartes sucrées. Pour ceux qui prennent un atelier ou deux, par contre, ça sera le repas tiré du sac. On offre le repas que pour ceux qui prennent les quatre ateliers. Parce que sinon, ça fait un peu beaucoup d'agencements à faire et pour quantifier, c'est un peu plus difficile. Voilà. Très bien. Et nous reprenons avec le troisième atelier. À quelle heure ? De 14h à 15h30, avec un atelier de découverte en danse africaine, en danse traditionnelle, donc avec une copine à moi, Audrey, qui chante et qui fait aussi de la percussion corporelle, entre autres. Donc Audrey, qui vient de Nancy, donc nous proposera, dans un espace de bienveillance au service de l'énergie collective et de la conscience du corps, elle nous amènera, entre vol aérien et ancrage au sol, à refléter des scènes de vie quotidienne africaine. Donc tout ça en connexion avec les musiciens et les autres danseurs. Le but pour Audrey, surtout de la danse africaine, c'est le lâcher prise, le plaisir et l'expression. Audrey se forme en danse africaine contemporaine et traditionnelle depuis plus de 15 ans, en France, au Burkina Faso et au Mali. Elle fait entre autres partie de la compagnie nancéenne Folie Mandingue, donc compagnie de percussion africaine et de danse africaine, qu'on a déjà vu, vous vous souvenez, à la colline de Sion ? Ah. Ben oui, les copains. Mais si, c'était Audrey avec ses copains à la colline de Sion en 2017. Audrey avec ses copains au festival de la ils étaient passés au festival de la colline de Sion en 2017, donc elle et sa petite troupe. Donc voilà, formée depuis plus de 15 ans en danse contemporaine et traditionnelle en France, au Burkina et au Mali. Et pour cet atelier, Audrey sera accompagnée d'un percussionniste de la compagnie Folie Mandingue et du talentueux balafoniste Khalifa. Donc Khalifa qui est né au Burkina mais maintenant qui est nancéen. Donc ben, cela veut dire que nous aurons un atelier de danse africaine tout en live. Il n'y aura pas de cassette ou alors il n'y aura pas de cassette ou de CD pour faire la musique. Ce sera de la musique en live avec génial. Un balafon et avec un percussionniste et ça va être vraiment chouette. On dit un petit mot sur le balafon ? Donc le balafon, ben, c'est un xylophone. Non, ben non. Le balafon, c'est un xylophone africain avec des cannes basses en dessous pour amplifier les tonalités. Donc du. C'est ça, c'est un superbe instrument. D'ailleurs, ouais. Notre générique, c'est Antoine avec un balafon. Eh ben voilà. Voilà, voilà. Et là, ben, je vais vous faire découvrir un extrait d'une des musiques du talentueux balafoniste Khalifa, qui dure 2 minutes 30 au balafon. Khalifa qui est avec son groupe Khalifa Mouniou. Ok, et ben c'est parti. Je voulais rajouter une dernière chose sur Khalifa, donc le balafoniste qui accompagnera Audrey. C'est qu'en 2009, il a ouvert et il a clôturé le festival panafricain de Ouagadougou au Burkina Faso, le festival du cinéma et de la télévision, et il a géré seulement 40 balafons. Donc c'est un ouf du balafon, et je peux vous dire qu'il va nous faire décoller à cet atelier de danse africaine. On a beaucoup de chance de faire un atelier avec un percussionniste. Ouais, avec un percussionniste, avec un balafoniste, avec Audrey qui est une danseuse assez expérimentée quand même. Pour ceux qui veulent découvrir la danse africaine et qui n'ont pas le temps de manière hebdomadaire de le faire, je pense que c'est le bon moment, sincèrement. Sur ce, je clôture le troisième atelier et je passe au quatrième atelier. Donc, le quatrième atelier qui aura lieu... On t'entend plus, Nanou, rapproche-toi du micro. Le quatrième atelier, pardon, qui aura lieu de 15h40 à 17h10, donc avec Nassim et Charlotte Savary. Donc, ce seront les deux qui seront sur scène le soir en tant que Dendana. Donc, Nassim et Charlotte, nous ouvrirons les portes du chant polyphonique Gnawa. Je fais un petit rappel. Les Gnawa, c'est un peuple du Maghreb issu de l'esclavage subsaharien. Et ce peuple a développé des cérémonies à but thérapeutique avec, entre autres, de la musique et des chants. Oui, on en a entendu quand on avait fait des émissions sur la transe. Ouais, on avait déjà parlé du peuple Gnawa, donc là c'était un petit rappel. Et maintenant, je vais vous demander, mais qu'est-ce que la polyphonie ? Eh bien, la polyphonie, c'est tout simplement une combinaison de plusieurs mélodies jouées et chantées en même temps. Donc, c'est polyphonie et polyrythmie. Cela veut dire, je pense, vu que j'en ai fait un tout petit peu de polyphonie, à chaque fois que j'étais en atelier, on nous mettait par groupe de tonalités, donc grave, médium ou aigu. Et selon notre groupe de tonalités, on avait une mélodie et on la chantait en même temps que les autres groupes, mais en fait, ces mélodies n'étaient pas les mêmes. Et après, ça donne un ensemble très puissant et très harmonieux. Et c'est très simple à faire. Moi qui ne suis pas une pro en chant, Enfin, je veux dire par là que c'était que après le résultat au bout d'une heure, le résultat au bout d'une heure est super chouette et ça donne vraiment quelque chose qu'on a envie de continuer. C'est ça, c'est harmonieux comme tu le dis. En fait, c'est parce que toutes les voix ensemble créent une seule harmonie. Oui, et puis ça peut donner des résultats assez puissants et je pense que c'est pour ça que c'est utilisé à but thérapeutique chez les Gnawa. Et j'aimerais aussi rajouter, Flo, si c'est toujours d'actualité, que les personnes qui participeront à l'atelier de chant polyphonique monteront sur scène avec Charlotte Savary et Dendana pour Popo. Pour faire quelques petits morceaux avec voilà. eux qui auront été faits à l'atelier chant polyphonique et polyrythmique. Donc si vous avez envie de monter sur scène avec les artistes ce soir-là, ben, profitez-en, venez à l'atelier, apprendre un peu, partager avec des gens, faire de nouvelles rencontres, tout ça, oui. tout ça, et puis voilà, passer une très bonne oui. soirée. Et aussi, surtout, de découvrir, et je le répète encore une fois, c'est que c'est accessible à tous. Les personnes qui ne se prennent pas pour des pros de la chanson peuvent aussi venir. Ça donne vraiment un résultat harmonieux. Oui, l'ensemble des ateliers de la journée, les quatre ateliers, restent des ateliers d'initiation, donc c'est-à-dire accessibles à tous, aux débutants. Ce sont des ateliers de découverte. J'aimerais aussi rajouter que je vous invite à réserver vivement, parce que les places là sont assez larges, mais c'est quand même mieux d'être sûr d'avoir sa place. Donc vous pouvez réserver sur notre page Facebook, Les Monts de l'Utopie, enfin sur l'événement Temps de Pause, ou même nous envoyer un petit message sur notre page Facebook. Sinon, si vous voyez nos flyers et nos affiches Temps de Pause, il y a deux numéros de téléphone, celui de Camille et le mien, et n'hésitez pas à nous appeler pour réserver, aussi pour le repas. On est là pour ça. Parce que pour l'instant, on est un peu large, mais en règle générale, la semaine d'avant, tout le monde appelle pour réserver. Et puis, il y a souvent des gens qui sont... Voilà, et après, on est obligé de refuser. Ouais. Avant de mettre la petite chanson de découverte pour la polyphonie, je m'occupe du repas. Et puis, on met la chanson polyphonique après. Si tu veux. Ou on fait l'inverse. On fait ça, on enchaîne sur le repas. Et puis après, on enchaînera aussi sur les artistes qui joueront ce soir-là. Puisqu'on a une interview en direct avec Jérémy Natag qui est en studio, il me semble. Donc il n'a pas trop le temps. Bah, sinon, on pourra passer la musique des Kraus en fin de... Non, on va faire comme ça. Ouais. Alors, je passe vite fait au repas. Donc, nous proposons avec Charlotte de la Claneuse des Saveurs. Nous allons faire le repas, entre autres, toutes les deux avec d'autres bénévoles. Nous proposons pour le repas de Temps de Pause à Gratin de Courge fait maison. Et Delphine, Cine Minette, qui sera avec vous, les filles. Donc à Gratin de Courge fait maison, avec nos petits épices, des potatoes maison. Les légumes et la viande viennent de la ferme Préambule qui est située à Ménoru. Les pommes de terre viennent du maraîcher alsacien Reboun. Nous aurons aussi du lard qui vient du Val d'Ajol. Et de la bonne salade, venant de chez Reboun. Et on a les courges de la ferme aux chouettes aussi. Ah, voilà. Ah, d'accord. Ah, bien. Voilà pour le repas. Eh bien, c'est tout bon. Ça m'a l'air parfait. Et tout là, ça. Je vais vous faire découvrir donc, un chant polyphonique non gnawa, parce que je me suis dit que c'était bien aussi de vous faire découvrir un chant d'un autre continent. Donc, c'est un chant polyphonique des Indiens Kraus du Brésil. Et ce fut une très belle découverte pour moi. J'espère qu'elle le sera aussi pour vous. Eh bien, on écoute ça tout de suite, Nanou. Pacho pajarea yo siré, yuenere capo a yo siré, Paccio, io e nere, io si re, paccio, io e nere, io si re, paccio, io e nere, io si re. Paccio, pacare, io si re, si re, paccio, pacare, io si re, si re, paccio, pacare, io si re, si re, nere, capo, paccio, si re, io si re, paccio, pacare, io si re, si re. Ce chant polyphonique. Chant polyphonique et polyrythmique. Donc, n'hésitez pas à réserver pour les ateliers pour la journée. Donc, tout de suite, on va passer à la présentation des groupes du soir, les deux groupes qui animeront le repas-concert. Donc, ça commencera par Dendana, mais vu qu'on est un peu pressé sur le temps pour avoir Jérémy en interview, on va d'abord parler du deuxième groupe qui est programmé à 23h. Du coup, ce deuxième groupe, c'est Jérémy Natag et Adèle B. Jérémy Natag, qui c'est ? C'est un multi-instrumentiste, ingénieux du son. Il rassemble toutes ses influences et expériences en un show unique et panoramique. Il est entouré de 4 hangs et de sa batterie jouée au pied. Il nous amènera dans l'ivresse des grooves ethniques et de la trance acoustique et du lyrisme de ses compositions. Pour l'accompagner, la talentueuse Adèle B au didgeridoo et à la guimbarde. Donc Adèle B, ça fait de nombreuses années qu'elle est dans le monde du didgeridoo, l'instrument avant aborigène. Elle développe un jeu bien particulier, devient très vite la référence féminine des joueurs français de didgeridoo. Elle crée différents projets avec des grands noms comme Zalem Delarbre, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est un super didgeridiste français. Un duo explosif de didge, incroyable à découvrir aussi, Adèle et Zalem. Elle utilise son instrument pour vous amener en voyage à travers des sons vibrants et des rythmes hypnotiques. Donc voilà, on va retrouver Jérémy en interview d'ici quelques instants, s'il daigne décrocher. Et... Donc voilà, Camille est en train de nous mettre en relation avec Jérémy Natag. Donc Jérémy Natag et Adèle B à découvrir à 23h au Monde l'Utopie. Donc je sais pas, on est paré pour l'interview avec Jérémy Natag. Ouah, la chance. Ouais, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir Jérémy et Adèle qui viennent au Monde de l'Utopie. Alors Jérémy est parmi nous, n'est-ce pas ? Oui, bonjour ouais, à tous. Ouais, génial. Salut Jérémy. Coucou. Salut à tous, salut Florent, salut Camille, salut tout le monde. Donc, Jérémy, déjà, je t'explique un peu. On est en direct d'une émission sur la radio Gémozo. C'est une petite radio alternative dans les Hauts-de-Vosges. Du coup, on a créé une émission qui s'appelle Les Oreilles du Monde depuis un an et demi. Du coup, on parle des événements, on fait la promotion de nos événements de l'asso et on fait aussi découvrir la musique du monde. Donc, soit par des émissions complètes autour des musiques du monde, soit juste en faisant découvrir des playlists de musique du monde. Donc je viens de faire une brève présentation de toi, d'Adèle B aussi. Okay. Donc on est hyper content de t'avoir de vous avoir tous les deux le 19 octobre à Rochesson. Merci, ça fait super plaisir. On est ravis de venir. Moi j'adore jouer dans les Vosges, donc ça me fait bien bien plaisir aussi de venir. Ouais, j'ai un souvenir de t'avoir vu au petit bar Le Bon Coin à Fauconnier, ouais. Et du coup, je me souviens de cette discussion autour des Vosges, c'est intéressant. Exactement, ouais. C'est une région que j'adore, ouais, tout à fait, donc on est vraiment ravis, on va amener des nouvelles choses en plus, des nouveaux morceaux, des tas de trucs, donc ça va être chouette. Ok, intéressant. Donc moi je vais te poser quelques questions, l'instrument principal que tu joues c'est le hang, alors peux-tu nous parler du hang, qu'est-ce que c'est et comment tu t'es arrivé à jouer du hang comme ça au quotidien? Tout à fait, question assez courante parce que c'est pas encore un instrument très connu. Le hang créé en Suisse au début des années 2000, c'est une sorte de soucoupe volante en acier, ça ressemble vraiment à une soucoupe volante ou bien un wok inversé, c'est deux coques d'acier collées qui sont accordées par martelage. On a des notes comme sur un piano ou une guitare, sauf qu'à la base, il n'y en avait que 8, une centrale qui est une sorte de basse, et puis des notes périphériques circulaires autour qui montent la gamme, si vous voulez. Et c'est un instrument qui connaît un développement assez spectaculaire, parce que bon, donc voilà, il est quand même relativement jeune, il a tout juste sa majorité. Et du coup, ce qui est magnifique, c'est d'être le témoin, moi, en tant qu'instrumentiste et joueur international, des évolutions de l'instrument, des nouveaux fabricants, des nouvelles expérimentations que nous, artistes aussi, on suggère et on demande aux fabricants. Donc maintenant, on se retrouve avec des soucoupes volantes doubles, c'est-à-dire qu'on a des notes au-dessus, en dessous. Ça fait un son très féerique, donc un peu métallique, certes, mais qui est très résonant, qui fait bien planer la plupart du temps, qui surprend énormément, parce qu'encore une fois, c'est un instrument récent et qui n'a pas beaucoup d'équivalent, si ce n'est son ancêtre, les steel drums, qui ont été créés à Trinidad et Tobago dans les Caraïbes, il y a un peu plus longtemps. Et voilà, donc effectivement, c'est mon instrument principal, mais qui est arrivé dans ma vie après une multitude d'expériences en tant que musicien. Voilà, je suis musicien depuis que j'ai 18 ans, je vous dirai pas depuis combien de temps exactement, comme ça. On garde mon âge secret, mais voilà, j'ai été flûtiste classique, pianiste un peu classique et un peu jazz, batteur pendant très longtemps, percussionniste, ingénieur du son en studio et sur scène. Et puis cet instrument est vraiment arrivé un peu par hasard, grâce d'ailleurs à Adèle qui m'a présenté un joueur historique qui s'appelle Klein, qui est un joueur parisien. Et le dit Klein m'a fait essayer un jour, je connaissais déjà l'existence, mais je me considérais comme batteur et non pas percussionniste vraiment, c'est-à-dire avec les doigts, sachant que le hang se joue avec les mains. Alors, on peut jouer avec des petites maillotches, des choses comme ça, mais c'est quand même plutôt avec les mains. Et puis, c'est vraiment, il s'est passé quelque chose, il m'a prêté un instrument original suisse, des créateurs, et tous les deux, on a quand même assisté à un vrai moment de connexion entre mon bagage de musicien et l'instrument. Et ça, c'était fin 2014. Et Klein, on se connaissait un petit peu, mais sans plus, m'a proposé de m'amener des prototypes d'un nouveau fabricant, puisqu'à l'époque, en 2014, il y avait peut-être 3 fabricants vraiment officiels, un quatrième à Bali qui faisait des casseroles, que j'ai essayé et que j'ai utilisé dans quelques musiques, mais pas beaucoup. Et puis, fin 2014, ça a été tout d'un coup, le truc m'est tombé dessus. Je comptais le garder, pour être tout à fait honnête, pour moi et mes amis, ne pas me remettre dans un cursus, ne pas me remettre à travailler encore un nouvel instrument, parce que je commençais un peu fatigué de ce point de vue-là. Et puis finalement, la vie a décidé, a pris le pas, et c'est allé très vite. J'ai enregistré des tas de morceaux dans mon téléphone d'abord, puis j'en ai fait un répertoire, parce que le même Klein m'a dit, écoute, j'ai une scène pour toi, on a un rendez-vous mensuel, il faut savoir qu'à Paris, il y a un rendez-vous mensuel qui s'appelle le rendez-vous du hang. Et il avait un créneau, et il m'a dit, c'est parti, et ça faisait 4 mois que je jouais, immédiatement, je me suis dit, il y avait déjà des vidéos sur YouTube avec des millions de vues, des tas de joueurs super ou pas forcément super, mais il y avait déjà vraiment, c'était occupé, quoi. Et immédiatement, je me suis dit, voilà, je suis batteur, j'aime les effets à la Pink Floyd, les qu'on utilise sur les guitares ou sur les claviers. Et puis j'ai combiné tout ça, monté un répertoire assez rapidement grâce à mes petits bouts de dictaphone dans le téléphone. Et pour conclure, et ça rejoint l'idée du concert, c'est que bah, la première invitée, la première personne à qui j'ai pensé, avec qui je jouais en tant que percussionniste depuis quelques années, ça a été Adèle. Dès mon premier concert, elle était présente et elle est intervenue sur quelques morceaux. Et voilà, à l'issue du concert, bah, j'avais un répertoire, j'avais 14 morceaux, j'avais Adèle comme invitée de luxe, enfin voilà, et tout de suite après, j'ai eu le Comedy Club à Paris, quasiment un mois après, qui m'est aussi tombé dessus, qui est une super salle. Bon, j'étais complètement flippé, quoi, ça devait être mon deuxième concert avec cet instrument. Puis mine de rien, je jouais avec les pieds et les mains en même temps, enfin c'était beaucoup de pression à l'époque. Et puis ça s'est enchaîné, enfin de folie, quoi. Dès 2015, en fait, ça a été tournée sur tournée. Là, ça fait donc la cinquième année que j'ai des très beaux spectacles, festivals, des tournées dans le monde entier. La Chine, les États-Unis, bientôt l'Inde, toute l'Europe. Enfin, c'est vraiment. Je suis allé jusqu'en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Pacifiques, c'est-à-dire vraiment le point absolument aux antipodes de Paris et de Londres. Voilà. Ça vous fait un beau résumé, je crois. Ouais, pour quelqu'un qui voulait pas franchement se lancer dans les langues. Ouais. C'est ça, c'est complètement fou. Écoute, mais c'est comme ça, je pense que maintenant tous on a compris que parfois il faut suivre le mouvement. C'est ça. Oui, puis il faut le souligner, t'es un artiste talentueux. Bon, bah, merci Florent. Écoute, très honnêtement, pour moi le talent, je suis très touché, hein, mais le talent c'est quasiment 90% de travail. Et parfois c'est vrai que si les parents écoutent de la musique, vous ont éduqué, vous ont amené en concert, bah forcément ça va forger l'oreille. Donc il y a un petit peu de capital génétique, un petit peu d'éducation et beaucoup de travail. Mais vraiment c'est inimaginable. Être musicien, ouais, c'est beaucoup de travail pour devenir champion du monde de ton monde, quoi. C'est ça. Voilà. Et du coup, combien d'albums t'as à ton actif? Écoute, j'en ai fait 4 assez rapidement. En 2 ans, j'ai sorti 4 albums, tous très variés, soit très électro, soit très relaxant, méditatif, soit vraiment pur hang, un peu à la manière de la musique classique. Et puis j'en ai fait un peu pot-pourri. Mon premier album, il y avait un peu de tout, de la world music, des choses relaxantes, des choses qui tabassent. Et là, il se trouve que justement, début novembre, je sors mon 5e, qui en plus est un double. Ça c'est un long travail là qui m'a pris quasiment toute l'année. Un double album avec le CD 1, c'est vraiment de la musique très très composée à la manière de Debussy ou Ravel, parce que je suis très influencé par ces compositeurs du XXe siècle. Et le deuxième CD, c'est toutes les collaborations que j'ai faites sur la route. J'aimais bien emmener un petit enregistreur portable, une GoPro, un téléphone, et puis filmer des rencontres avec tous les musiciens que j'aime, comme ça, parfois en face d'un lac, parfois... Et j'en ai fait tout un répertoire que j'ai rassemblé sur le deuxième CD, remixé, il y a quelques inédits, et ça fait en fait un double album où on peut soit écouter l'instrument pour sa pureté et ses belles mélodies, soit s'amuser avec des percussionnistes. Bah, il y a Lily Young, qui vit pas très loin d'ailleurs dans les Vosges, qui est venue chanter, que j'adore, qui est une chanteuse absolument stratosphérique. Oui, voilà. elle était là à temps de pause l'année dernière, on la connaît bien, Lily. Tout à fait, avec Yakshé, il me semble. Oui. Voilà, donc c'est un énorme privilège pour moi, c'est juste magnifique en tant que musicien de travailler avec des artistes pareils. Adèle sera sur le CD, Zalem, qui est un joueur de didgeridoo émérite, enfin plein de gens, quoi. C'est vraiment... Donc là, je finis la production en ce moment, j'ai hâte de la terminer pour que ça parte à la fabrication et puis que ça existe, que ça vive, et puis surtout que moi je puisse me reposer. Et d'où puise toute cette inspiration? Écoute, c'est une question à laquelle j'ai vraiment toujours pas de réponse très précise. C'est pas une science exacte, l'inspiration, mais bien évidemment ton bagage, ta vie, tes accidents, tes blessures, tes histoires d'amour... Tous les paysages que je vois m'inspirent beaucoup. Les émotions, évidemment, qu'on vit en tant qu'humain, qui se retranscrivent après dans la musique, mais d'une manière complètement inconsciente la plupart du temps. C'est-à-dire que c'est vraiment, encore une fois, toute la vie que tu as, que tu peux exprimer en musique. Ça peut donner des chansons chez les chansonniers. Et puis, bah, avec le hang, en plus, il y a quelque chose de... C'est pour ça que ça plaît beaucoup comme instrument, c'est que tu le poses sur tes genoux et tu ouvres une nouvelle page, tu peux créer quelque chose de nouveau quasiment à chaque fois. C'est impressionnant comme inspiration, quoi. Parce que ça fait des choses simples et du coup ça coule, c'est assez fluide, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu as à dire sur ce que vous allez nous proposer le 19 octobre pour donner envie aux gens qui nous écoutent de venir ? Oh, beaucoup de choses. Après, effectivement, c'est toujours le public qui en parle le mieux, mais ce qu'on va amener, notre musique est toujours faite de beaucoup de cœur et de beaucoup d'âme. Il n'y a aucune démonstration, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour montrer qu'on est des bons musiciens. On est réellement là pour donner des émotions aux gens. La plupart du temps, c'est vraiment du bonheur et du plaisir. On a une connivence, une complicité qui date de plusieurs années, donc tous les deux sur scène, par tous les temps d'ailleurs, parce qu'on a joué en Belgique il n'y a pas longtemps, sous le vent et la pluie, et les gens étaient devant en train de danser. Voilà, avec Adèle, il se passe vraiment une alchimie sur scène, qui va être à la fois, on a ajouté des nouvelles compos à elle, où elle chante, parfois je fais les chœurs, donc c'est très joli, parce que s'il y a tous ces instruments ethniques, le didgeridoo, la guimbarde qu'elle joue, mes angles, mes percussions, mes effets, tout ça, sa voix, donc il y a des passages un petit peu planants qui tirent parfois un peu les larmes ou qui donnent des sourires aux gens de bonheur. Et puis bon, on est assez quand même demandé pour aussi le côté assez puissant, je dirais, dansant de notre musique. C'est-à-dire que didgeridoo ou guimbarde plus tout mon attirail, ça donne une sorte de trance organique, une world music qui vraiment tire vers la trance et... Mais on se rend compte de plus en plus que vraiment les publics ont besoin de ça, ont envie de se lâcher, ont envie de se défouler, et d'autant plus avec une musique qui est vraiment faite sans aucun ordi, sans aucun truc préenregistré, tout est fait sur le moment, et avec un enthousiasme débordant, je peux vous le dire, on se régale, quoi, vraiment, et le public se régale avec nous, quoi, c'est vraiment... Ok, ben on a hâte de découvrir ça et de se défouler sur votre musique le 19 octobre en fin de soirée. Nous aussi, ouais, 23h, ouais. Mm-hmm. Faudra qu'on ait encore les yeux ouverts, ouais. Ça super, devrait se gérer. En tout cas, merci de l'invitation. Hein. Ben avec plaisir. Grand plaisir depuis le temps. Camille, tu voulais me dire quelque chose ? Comment ? Tu as commencé une phrase et puis j'ai pas entendu. Non, je sais plus ce que je disais, mais du moins, je pensais aussi que du coup, il y avait Dendana et vous aviez déjà joué aussi avec Dendana. Hein, donc là, tout à l'heure, on va passer une des musiques, donc Djilala, que vous aviez enregistrée. On a joué tous les trois. Ouais, qu'on a trouvé sur le net. Donc voilà, en plus, c'est déjà quelqu'un que vous connaissez les deux, donc voilà, va y avoir aussi peut-être une petite surprise globale. On espère. Il y aura un final comme souvent, de façon partout où on joue, on aime beaucoup inviter soit les autres artistes présents, soit carrément les locaux, ça c'est super aussi. J'étais dans le Colorado et voilà, jouer avec un mec au tabla du coin, c'était un plaisir énorme là, sur scène. Et oui, Dendana, moi j'ai même été son batteur il y a quelques années, je tournais avec lui en tant que batteur, et puis quand j'ai développé mon projet, il s'est dit, bah, tiens, petite collaboration, très bon souvenir, super musicien, avec Charlotte, là, leur duo, ça promet aussi, là, en première partie de soirée. Donc c'est un plaisir de se retrouver là-bas. Ça va être une belle soirée, bien, bien métissée, bien colorée, je crois. Oui. J'ai bien l'impression. Bon, on a toujours une bonne ambiance colorée et assez conviviale au monde de l'utopie. Du coup, voilà, faudra bien garder le public jusqu'à la fin s'ils veulent vous voir tous sur scène. Oui, ouais. Bah, écoute, ça devrait bien se passer. Et après, bon. Oui, je m'inquiète pas trop. Si certains doivent partir, c'est comme ça. Ça arrive. Ouais. Ok. Est-ce qu'on est bon ? On est tout bon, je crois. Parfait. Du coup, on va passer aux extraits musicaux. Oui. C'est lent. Qu'est-ce que vous allez passer ? À part Gitala. Chourav. Ah oui. J'aime beaucoup le jeu de mots. On va passer la vidéo of the week, la 8, The Beauty and the Best. Ouais, c'est ta base. Ouais. Et puis, du coup, celle avec Dendana. Eh ben génial. Très bonne sélection. Ça te convient ? Ouais. Ok. Bah super, amusez-vous bien, merci encore pour l'interview et l'invitation, et puis on se voit dans un peu plus d'une semaine. C'est tout à fait ça. Bonne journée à toi. À bientôt, salut. Et merci à toi. Salut. Alors, on va écouter tout de suite Chourav, c'est parti. Oh pardon, j'ai un peu coupé de manière brutale. Donc là, c'était Shurav, donc Jérémy Natag, Adèle B. Et on va enchaîner directement avec la vidéo of the week, le numéro 8. Donc assez rythmé aussi. C'est parti. Voilà, vous êtes toujours en direct de Radio Gemozo dans l'émission Les Oreilles du Monde présentée par Les Mondes d'Utopie. On enchaîne direct avec donc la collaboration entre Jérémy Natag, Adèle B et Dendana pour la musique Jilala. Oh, Ushina Libolam, Ushina Libolam, Ushina Libolam, Ushina Libolam, Ushina Libolam, Ushina Libolam, Ushina Libolam, Ushina Libolam, Ushina Libolam. Et voilà, c'est super vrai. Cette chanson. Bon, on entend un peu Adèle qui dit « Oh, bon, on prend celle-là, oui, effectivement, on prend cette version-là, bah, elle est géniale. » J'étais plus bien sûr de comment ça finissait. Super featuring entre Jérémy Nathague et Adèle B et Dendana, que je vais vous parler tout de suite. Donc, Dendana, c'est un mélange folk, nawa et jazz à la croisée des musiques modernes et traditionnelles. Avec ses mélodies, il rassemble les rives méridionales en français, en anglais ou en arabe, d'une voix nuancée qui l'accompagne au seul rythme de sa guitare. Il vous invite au voyage et au partage. Donc bah, c'est intéressant parce que ça rejoint un peu c'est l'interview qu'on vient d'avoir avec Jérémy avant, qui sont là pour donner de la musique qui vient du cœur. Et bien Nassim aussi, Dendana, c'est une musique qui vient du cœur où il raconte sa vie, son chemin, son parcours, et c'est hyper intéressant. Donc Nassim Dendana, du coup je vais plutôt dire, qui est le nom de leur groupe, c'est la révélation masculine algérienne en 2011. Sur son premier projet en hommage à Bob Marley. Ensuite il sort un premier album en 2013, puis un second en 2016 et un troisième, Mélodie, qui est en écoute libre sur YouTube, que vous pouvez découvrir, ou sur MySpace, qui est hyper chouette. C'est un album aux couleurs atypiques et novatrices, empreinte des plus belles influences de musique occidentale et africaine. Donc voilà pour Nassim. Du coup, Nassim, il sera accompagné de Charlotte Savary. Charlotte Savary, si vous ne connaissez pas, c'est la chanteuse, c'est la voix féminine du groupe Wax Taylor. Wax Taylor qui est assez connu, qui a pas mal tourné. Donc Charlotte qui joue toujours avec Wax Taylor, qui a aussi un projet qui va sortir, qui est en train de sortir là en ce moment en duo avec une autre fille. Et aussi bah, ce projet avec Nassim où ils ont retravaillé tout le set à Nassim pour faire un duo du début à la fin. Donc elle est connue pour son timbre de voix si particulier, son vibrato léger et rapide, à découvrir Charlotte Savary. Donc voilà pour la petite présentation de Dendana, Charlotte et Nassim à découvrir à 21h. La première partie de la soirée, juste après le repas pour commencer la soirée musicale. On vous invite à prendre le repas concert ou simplement les concerts comme vous voulez. Donc n'hésitez pas à réserver, comme on disait tout à l'heure, procurez-vous notre petit fly qui est un peu partout dans les commerces locaux et contactez Camille ou Nanou pour réserver votre journée complète, quatre ateliers ou alors juste le repas concert. Ou alors que les concerts, ou alors que les ateliers. Ou alors on vous attend voulez, nombreux quoi. Pour temps de pause le 19 octobre à Rochesson. Ou tous ensemble, parce que je précise maintenant que pour les adhérents, les quatre ateliers, le repas du midi, le repas du soir et les concerts, c'est 40€. Ce n'est rien. C'est rien du tout, ouais. Pour tout ce qu'on propose, non, c'est rien. C'est quand même accessible, ouais, je dis à tous. Oui, on se veut accessible au monde d'Utopie, l'idée. On veut un tarif qui soit accessible à tous, donc voilà. Oui, comme tu disais, qui permettent, avant que je te coupe, qui permettent à toute personne et à tout budget de pouvoir, de pouvoir se cultiver et de découvrir. Mm-hmm. Très bien. Voilà. On est tout et bon pour les non-adhérents, c'est 50 euros. La journée, donc les quatre ateliers, le repas du midi, le repas du soir et les deux concerts. Sachant que finalement, comme l'adhésion est à 5 euros, enfin voilà, si les gens ont envie, voilà, 5 euros d'adhésion pour l'année. Après, vous avez des tarifs préférentiels sur chaque événement, donc c'est très vite remboursé. Oui, voilà. Et puis si vous adhérez, vous recevrez notre petit mail de newsletter. Oui, c'est exact. C'est tout à fait ça. Ah bah voilà, donc c'est super, des petites nouvelles et des mondes d'utopie. Et pas tous les comptes rendus de réunion, n'est-ce pas? Juste les... les comptes rendus, on les garde pour nous. Donc on va écouter une chanson qui vient de sortir il y a très peu de temps, de Nassim et Charlotte. Donc on écoute tout de suite le premier bonheur du jour de Dendana et Charlotte Savary. C'est parti, vous êtes toujours en direct de la radio Guémozo dans l'émission Les Oreilles du Monde, présentée par les Mondes de l'Utopie. Dendana et Charlotte Savary, le premier bonheur du jour. C'est parti. Voilà, un léger morceau pour vous donner envie de venir voir et découvrir Charlotte Savary et Dendana le 19 octobre à Rochesson. On va enchaîner tout de suite sur une chanson de Dendana avec Peuple sans voix. C'est parti. Il faut y avoir une âme de combattant. Ils nous ont pris tous nos drapeaux blancs, détruits un à un nos rêves d'enfant. Ils nous ont divisés en créant des clans. On cherche à s'enfuir vers l'Occident. Je me fonds dans la masse en étant transparent, crachant sur leur haine et leur argent. J'ai dans le ventre la rage de mon père, qui n'a plus de souffle pour parler ou se taire. Remplis ton cœur d'un peu plus d'air, chante avec moi dans la langue de Molière. Peuple sans voix, l'espoir s'en va. Y'a plus de loi dans ce pays-là. Peuple sans voix, l'espoir s'en va. Y'a plus de loi dans ce pays-là. crois qu'il est temps qu'on unisse nos forces, qu'on rassemble tous nos drapeaux blancs, que notre toit ne soit plus couleur sang. Fini la corruption, c'est la révolution. Fini la servitude moderne, on n'est plus dans une caserne. Main dans la main, ouvrons les yeux, sortons de cette caverne. Chante avec moi, l'hymne qui nous unit, la main aux torses. Peuple sans voix, l'espoir s'en va. Y'a plus de loi dans ce pays-là. Peuple sans voix, l'espoir s'en va. Y'a plus de loi dans ce pays-là. Peuple sans voix, l'espoir s'en va. Y'a plus de loi dans ce pays-là. Peuple sans voix, l'espoir s'en va. Y'a plus de loi dans ce pays-là. Ah, il nous met des frissons, hein, il nous met des frissons d'Endana à retrouver le 19 octobre à Temps de Pause. Rappelons-le encore une fois, Temps de Pause, organisé par les Monts de l'Utopie à Rochesson le samedi 19 octobre. Toute la journée à partir de 9h, 4 ateliers d'initiation. Ça commence par... les étirements du quotidien avec Dudu. Suivi de... la percussion corporelle avec Justine. Ensuite, nous aurons de la danse africaine avec... Audrey. Ouais, génial. Et pour finir l'après-midi, vous retrouverez l'atelier chant polyphonique et polyrythmique avec Nassim. Et Charlotte Savary. Oula. On a vraiment de la chance. On désolé a vraiment beaucoup de chance. Pour ceux qui ont eu mal aux oreilles. Qui nous anime un atelier rien que pour nous et de pouvoir participer à leur concert après. C'est ça. Donc, et puis pour finir la journée, vous aurez l'assiette automnale proposée par les bénévoles des Monts de l'Utopie, oui, qui vont concocter une super assiette, hyper bonne, hyper goûtue, hyper locale. Hyper tout. Et ensuite, deux concerts. Jérémy Natag... oh non, on commence la soirée avec Dendana et Charlotte Savary, le duo tant attendu, et le second duo, Jérémy Natag et Adèle B. Donc, on a hâte de se retrouver. C'est dans moins de 10 jours. C'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain. Pensez à réserver. Voilà, j'allais le dire. Pensez à réserver pour les ateliers ou pour le repas ou pour les concerts. Ou pour tout. Voilà. De 9h à 2h du mat. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à appeler Camille ou Nanou, ou vous trouvez, allez sur notre page Facebook, Les Monts de l'Utopie, il y a plein d'infos, il y a tout ce que vous cherchez, bah, vous le trouverez par là. En tout cas, l'émission va se finir. Avant que ça se finisse, je vais vous toucher un petit mot. En fait, cette année, on organise un nouvel événement, ça s'appelle Réveillons-nous, et ça va se dérouler le 31 décembre. Donc, on vous propose cette année une soirée latino, ou haute en couleur et en chaleur latine. Donc vous retrouverez deux concerts et un DJ latino. Donc on aura en première partie le groupe Ceux de la Mouffe, rock latino. Ensuite, le groupe d'après, ce sera un peu plus traditionnel, mais on vous en dira plus le mois prochain. Et pour finir, le DJ latino DJ Ben qu'on connaît bien, qui arpente les bars vosgiens avec ses soirées différentes et qui est prof propose en plus de voilà, salsa. Donc on va danser. Qui proposera des initiations à la danse tout au long de la soirée. Donc le repas, l'élaboration du menu est en cours. On devrait tourner autour de 35€ la soirée pour les trois concerts et le repas. Donc le repas, élaboré, c'est un repas traditionnel d'Amérique latine. Donc il y aura entrée, plat, dessert, évidemment. Nanou, responsable cuisine, tu veux nous ajouter un petit mot sur le repas de Nouvel An ? La responsable cuisine avec Charlotte de la Glaneuse des Saveurs. Et Minette de Gérardmer, qui est une super cuisinière aussi. Eh ben non, je n'ajouterai rien, à part que ce sera un menu typique d'Amérique latine et qu'on se casse bien la tête pour vous proposer quelque chose de bon et accessible à tous, encore une fois, financièrement. Voilà. Et que ça va être super bon, bien sûr. Évidemment. Oui, évidemment, on n'en doute pas. Bon, il est 11h28, le ciel se dégage après notre émission. Voilà, on fait venir le soleil, c'est ça qui est bon. Pour combien de temps ? Et du coup, eh ben, on va vous laisser. On remercie encore une fois Radio Gemozo pour nos interventions, notre petite émission qui reprend. On se retrouve tous les mois, le deuxième jeudi du mois, de 10h à 11h30, pour vous parler de musique du monde. Et on est super content de revenir. Ça fait super plaisir. Eh ben, on est tout bon. Ouais, on remercie encore une fois les intervenants, les artistes. Oui, et puis les bénévoles, les partenaires. Voilà, nos partenaires, la mairie de Rochesson, la communauté de communes des Hauts-de-Vosges. Le département, le Super U. Le département, l'Arsène Production, le Super U, oui. Tous nos Notre graphiste aussi, tout ça. Martin Payot, besoin d'un graphiste qui nous fait des super affiches d'ailleurs. Merci, merci. Bonne journée à vous. Et on vous souhaite à tous une belle fin de semaine. Profitez bien de ce beau soleil. Des gros bisous. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés.